Bonsoir, bonsoir à tous. C'est la reprise des Cafés des Sciences. Ça revenait, c'est la Phoenix. Je sais que ça vous manquait. Un peu plus d'un an après, nous sommes de retour au Weebox. Et cette fois-ci, nous accueillons l'association Aqua. Et plus précisément, nous accueillons Madame Florence Denarnier, qui est architecte conseil. Un petit coup. Bonsoir. Et nous accueillons Monsieur Thibaut Terme, qui est chargé de mission et animateur. Donc là, nous allons parler d'architecture bioclimatique. Là, c'est un sujet qui est assez d'actualité. Vous savez bien qu'en Guyane, en saison sèche, pour des habitations mal isolées, ben, on cuit comme dans un fourneau. C'est pour ça qu'on cherche à sensibiliser dans un premier temps, faire de la maîtrise de l'énergie, faire de l'isolation. Vous n'êtes pas insensible aussi aux dernières conclusions de la COP 26, COP, qui disait que l'augmentation de la température moyenne de 1,5 degrés, en fait, on n'y échappera pas. C'est pour ça qu'il est nécessaire d'agir. Il est peut-être un peu trop tard, mais mieux vaut tard que jamais, mais le nécessaire, c'est d'agir. Donc, place à l'association Aqua qui va vous présenter ses travaux et qui va nous parler d'architecture bioclimatique. C'est à vous. Ok, merci beaucoup. Bon, bah, j'espère quand même qu'il aura content de faire quelque chose pour l'environnement. Quand même. Donc, merci au Canopé des Sciences de nous avoir invités. En effet, l'association Aqua, ça veut dire Action pour une qualité urbaine et architecturale amazonienne. Et nous faisons la promotion de la conception bioclimatique. Donc aujourd'hui, on va vous expliquer en effet ce qu'est la conception bioclimatique. Et du coup, en saison sèche, bah, on a chaud dans les logements, c'est un problème. Mais le principal problème, c'est que par exemple, en saison sèche, notre consommation d'électricité augmente de 11% seulement à cause de la climatisation. Donc ça, par exemple, c'est pas très très bon, sachant que chez nous, l'énergie est fournie essentiellement par des centrales thermiques qui polluent. Et que le kilowattheure chez nous pollue 5 fois plus qu'en métropole. Donc c'est pas terrible terrible quand on a un max de clim qui tourne pendant la saison sèche. Donc le sujet d'aujourd'hui, ça va être de vous initier à l'architecture bioclimatique. Ça devrait durer environ entre 1h et 1h15. Ensuite, il y aura toute une session de questions-réponses si vous le souhaitez. N'hésitez pas aussi à lever la main, un peu comme à l'école, pendant la présentation, peut-être pour nous poser des questions. Enfin, Florence, si d'accord, moi ça me va parfaitement. Ça rendra peut-être les débats un peu plus vivants. Et pour la suite, donc le thème d'aujourd'hui, c'est évidemment comment gagner en confort, donc comment se sentir bien chez soi, tout en économisant l'énergie, tout en, consommant le moins possible. Allez, c'est parti. Donc d'abord, pour vous présenter un peu la structure Aqua, nous sommes divisés en 4 pôles. Donc il y a le pôle du centre de ressources et du conseil qui est dirigé par ma collègue Florence Denarnier, qui est architecte, et qui vous donnera des conseils gratuitement si vous avez des projets de construction sur la conception bioclimatique. Il y a aussi tout un centre de ressources, donc des livres, des ouvrages à emprunter, une presse par exemple aussi pour faire des briques de terre creux. En parlant de terre creux, donc on va pouvoir en parler de formation technique, qui est dirigée par ma collègue Cécilia Javelot, qui elle donne des conseils aux professionnels et aux futurs professionnels pour construire bioclimatique, mais aussi pour l'utilisation des éco-matériaux dans la construction. Et pour finir, il y a le pôle sensibilisation. Donc moi, d'habitude, ben, c'est des enfants que je vois. Donc aujourd'hui, vous êtes des adultes, je suis un peu stressé. Donc je fais des animations auprès des enfants et je leur apprends l'éducation au développement durable. Je leur apprends à trier les déchets, à économiser l'énergie et à construire des maisons écologiques. Donc ça, c'est un petit peu le rôle de notre association. On fait vraiment de la sensibilisation, essentiellement, de la formation, et on essaie de véhiculer la bonne parole. Et du conseil, et il y a aussi du conseil à la rénovation énergétique. On anime l'espace conseil faire. Certains parmi vous que je vois ont bénéficié de conseils, donc si vous avez besoin. On n'entend pas dans ce micro-là. Vas-y, prends le micro. Non, voilà, c'était juste pour parler de l'espace conseil faire, donc il ne faut pas avoir peur. Voilà, donc si vous avez d'autres besoins, d'autres questions à poser, et puis il y a de la petite documentation également ici sur certains aspects de rénovation énergétique. Oui, donc n'hésitez pas, vous savez que la rénovation énergétique, aujourd'hui, il y a plusieurs travaux qui sont financés, l'isolation, l'achat de clim performante, par exemple, ou la pose de surclôture ventilée. Alors, on va commencer en introduction par les enjeux actuels. Comme l'a dit notre ami de la Canopée des Sciences, en effet, on vit un tournant qui est assez grave pour l'humanité. Et aujourd'hui, en Guyane, on a le problème des secteurs de construction et du transport, qui sont les deux secteurs les plus polluants chez nous. Donc il y a un réel enjeu vis-à-vis de ces deux secteurs. notamment au niveau du secteur des bâtiments, mais notamment au niveau de la consommation électrique et de la consommation de la clim. Aujourd'hui, c'est à peu près un cinquième de la consommation du bâtiment dans le secteur résidentiel qui est couvert par la clim. Et on a 35 à 45% de la consommation des bâtiments tertiaires, pareil, qui est dédiée à l'usage de la climatisation uniquement. Et cette part augmente chaque année, on pourra arriver à environ à 50% d'ici 2050. Ça veut dire que la moitié de l'énergie qu'on va produire pour les bâtiments tertiaires sera destinée simplement à faire fonctionner des clims. C'est quand même pas très rassurant. Mais du coup, il n'y a pas que la clim qui pose problème, il y a aussi le béton. Le béton, bah, malgré le fait qu'on utilise une ressource qui soit rare, le sable, malgré le fait aussi que le béton, bah, c'est un matériau qui demande beaucoup d'énergie grise à la construction et à la conception, c'est-à-dire que le béton, en fait, on pollue pour le fabriquer. Il y a beaucoup d'émissions de CO2 liées à la fabrication du béton. Et bien, sa consommation augmente chaque année. Et puis, le second problème, c'est que quand on a des bâtiments qui sont entièrement bétonnés et climatisés, on a ce qu'on appelle une architecture qui est standardisée, mondialisée, où en fait, on pourrait construire le bâtiment ici en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe, à Dubaï ou encore à Miami, j'en sais rien. Ça ne changera pas grand-chose. Le bâtiment est complètement sorti de son environnement et il est essentiellement dépendant du coût de ce matériau, le béton, et du coût de cet appareil, la clim, pour pouvoir fonctionner et être confortable. Donc l'idée de l'architecture bioclimatique, c'est de gagner du confort tout en économisant de l'énergie. Et surtout, surtout, l'idée, c'est d'intégrer le bâtiment dans son environnement et de ce fait, de ne pas avoir recours à un matériau unique et à un appareil unique pour accéder au confort. Donc au départ, quand l'association a été créée, c'était pas forcément dans une vocation de développement durable, c'était aussi dans la vocation de pouvoir proposer un confort autre aux occupants, autre que celui de la climatisation. Donc un confort simple dans une maison en ventilation naturelle, où on se sent bien avec juste un ventilateur par exemple et un passeur d'air, et on n'a pas trop chaud. Alors c'est simplement une petite vidéo de 3 minutes qui vous présente un exemple d'architecture bioclimatique sur la route du Galion. Donc, même si on n'entend pas trop les commentaires, c'est pas grave, l'idée c'est de vous montrer ce qu'il est possible de faire et d'avoir un exemple imagé. Pour accéder au domicile de Marion et Laurent, il faut emprunter un chemin pentu qui conduit vers une maison à deux niveaux ou de mine de bois. Ces indications relèvent d'un choix sans équivoque. Nous cherchions un endroit paisible, donc le cadre forestier s'y prêtait bien. Et nous souhaitions aussi accéder à la propriété en des coûts assez mesurés. Donc nous éloignons du centre urbain avec souvent des terrains qui sont assez chers. Donc nous sommes allés sur une synergie pour pouvoir trouver des terrains plus accessibles. Il y a trois constantes pour ce parti pris. L'intégration dans l'environnement, la limitation des prix et l'autonomie dans la production d'énergie. La contrainte majeure était la pente du terrain, donc nous avons cherché à encastrer la maison sur le terrain pour déjà limiter les hauteurs sous plancher, qui ne plaisaient pas forcément. L'idée première de la maison, c'était de travailler avec les matériaux de Guyane, principalement du bois, un petit peu de briques également, pour donner un côté très nature et puis toujours combiner les coûts. Avec l'aide d'un père charpentier, les deux modules de la maison ont été érigés en 4 mois. Idemine, l'Angélique, le Gonfolo et le Goupil. La présentation des lieux commence par la cuisine. Donc c'est une cuisine classique, tout en bois de Guyane, très ouverte, avec dans les originalités notre système de contrôle et de vérification des panneaux photovoltaïques. Et puis notre citerne de filtre à céramique pour purifier l'eau que nous buvons. La deuxième idée fondatrice repose sur le principe de l'autonomie énergétique. C'est vrai que nous voulions être autonomes énergétiquement, donc les panneaux photovoltaïques s'y prêtent à merveille. Et puis c'était aussi l'idée première de tirer parti des ressources naturelles qui sont gratuites et en abondance, qui sont l'eau et le soleil. L'autoconstruction est un parti pris radical, tout comme l'autonomie énergétique. 80 mètres carrés habitables, deux citernes, d'une contenance de 5000 litres, une centrale solaire et une toilette sèche. Cette opération représente un investissement global de 60 000 euros, dont 10 000 pour le photovoltaïque et 15 000 affectés à l'achat du terrain. pourrait bien s'intégrer dans le terrain sans modifier la morphologie naturelle du site. Construire son bâtiment avec des matériaux naturels et locaux permet de diminuer l'impact carbone. Utiliser les énergies naturelles non polluantes et renouvelables, telles que de l'électricité solaire et la récupération de l'eau. Bon, un projet pareil pour 60 000 euros, inutile de vous dire que ça ne court pas les rues tous les jours. Moi, je les soupçonne d'avoir construit sur un terrain agricole. À quelle année, ça je ne sais pas, mais c'est pas très très vieux. Après, il y a l'économie du charpentier aussi. Il y a l'économie du charpentier, parce que vous savez que le papa est du charpentier. Donc, comme je vous l'ai dit, le but de l'architecture bioclimatique, ça va être de retrouver un bon confort dans le bâtiment sans avoir recours forcément à la climatisation. On appelle ça le confort hygrothermique. Le confort qu'on va rechercher, c'est celui du petit bonhomme qui est dessiné, c'est-à-dire le confort d'un homme qui sera à l'ombre d'un arbre et sous une brise légère. Le confort, parfait. Et comment l'atteindre ? La question est double. On va chercher à la fois la ventilation naturelle. Pourquoi ? Parce qu'une vitesse d'air de 1 mètre par seconde diminue de 4 degrés la température ressentie. Tout simplement parce que l'air sur ma peau, la vitesse d'air sur ma peau, permet d'améliorer l'échange entre ma peau et l'air et du coup m'apporte une certaine sensation de confort. Et ensuite, l'autre idée serait la protection solaire. Un bâtiment qui ne sera pas protégé du soleil aura forcément des façades, des parois qui seront très chaudes et du coup l'idée c'est de protéger un... L'idée c'est de protéger un maximum ses parois du soleil mais aussi la toiture pour éviter l'entrée de chaleur dans le bâtiment. Et du coup, il y a un calcul qui est plutôt démonstratif, je trouve. C'est que la température que je ressens dans une maison est égale à la température de la paroi plus la température de l'air divisée par 2. Donc si ma paroi est à 60 degrés, ben nécessairement, moi je vais avoir chaud dans mon bâtiment. Donc l'idée là, c'est qu'on accède au confort simplement par la conception du bâtiment. Je n'ai pas besoin d'équipement particulièrement, à part éventuellement un brasseur d'air ou un ventilateur pour les jours où il n'y a pas de vent. C'est la conception, les débords de toiture, la protection solaire, l'ouverture dans la maison, la porosité intérieure qui vont permettre au vent de rentrer et à moi d'accéder au confort. Donc, dans l'idée, les maisons vernaculaires, donc les maisons anciennes, nécessairement sont bioclimatiques, parce qu'à l'époque, on n'avait pas tous les moyens qu'on a aujourd'hui pour accéder au confort artificiellement. Et la maison créole est un excellent exemple de maison bioclimatique, de par ses ouvertures, de par sa porosité, de par ses protections solaires, et de par sa conception aussi qui est très originale. Donc il y a quelques idées qui sont excellentes dans la maison créole, par exemple les hauteurs sous plafond qui font plus de 3 mètres en général et qui permet à l'air chaud de venir se caler en hauteur et ensuite d'être évacué par les impostes qui sont les ouvertures par exemple situées ici au-dessus des portes ou des fenêtres. Par exemple aussi la toiture qui a un très fort volume, à l'époque on ne pouvait pas isoler la toiture, on n'avait pas de matériaux isolants, mais le volume de la toiture est... et le volume de la toiture et les ouvertures en hauteur permettait en fait une évacuation naturelle de la chaleur et permettait justement d'avoir un bon confort dans la maison. Donc aujourd'hui, ces maisons-là, elles sont super, mais bon, en ville, en milieu dense, urbain, avec la pollution et l'inconfort acoustique, c'est des modèles qui sont difficiles à reproduire dans le centre-ville de Cayenne. Mais il n'empêche que ça reste quand même un excellent exemple d'architecture et de conception bioclimatique. Donc ici, la maison, elle est vraiment intégrée dans son environnement et elle est adaptée au climat. Donc on va parler aussi de ville durable, un petit peu, et puis beaucoup de conception bioclimatique. Ce sera nos deux problématiques principales. Donc on va parler d'aménagement, d'urbanisme durable, donc comment réduire l'impact de mon projet de construction, si vous en avez un, ça peut toujours être intéressant. Et puis le projet de la maison en lui-même, au-delà du choix du coup du terrain, savoir comment est-ce qu'on va concevoir le bâtiment sur le terrain en lui-même. Donc la première partie, c'est en gros le choix du terrain, et l'autre, c'est qu'est-ce que je vais construire sur mon terrain. Donc le plan, il peut faire un petit peu peur, mais vous allez voir, ça va passer vite. D'abord, on va parler un peu d'urbanisme durable avec le choix du site de construction et son aménagement. On va vous montrer un petit peu les exemples de ce qui sont faits dans les écoquartiers aujourd'hui, pour vous montrer ce qui est fait en général pour mieux respecter l'environnement dans l'urbanisme. On appelle ça l'urbanisme durable. On va voir aussi après les grandes étapes de la conception bioclimatique, c'est-à-dire l'implantation et l'orientation des bâtiments sur le terrain. Donc tout simplement, où est-ce que je vais mettre mon bâtiment sur le terrain et comment je vais l'orienter par rapport au vent et au soleil. Ensuite, on va voir la morphologie et les zonages du bâtiment. La morphologie, c'est tout simplement la forme que je vais donner à mon bâtiment. On va voir qu'en fonction s'il est climatisé ou s'il est en ventilation naturelle, c'est pas la même morphologie qu'on va choisir. Et le zonage, c'est tout simplement la répartition des pièces à l'intérieur du logement. Et alors ça, pour tous ceux qui ont une chambre à l'ouest, je pense que vous comprendrez l'importance du zonage. Parce qu'une chambre à l'ouest, eh ben, c'est pas agréable du tout. Après, on verra tout simplement les matériaux de construction qui sont disponibles en Guyane, et puis la protection solaire et la ventilation naturelle, qui sont les deux piliers, les deux fondements même de la conception bioclimatique en Guyane. C'est-à-dire que quand je construis un bâtiment, pour l'intégrer dans son environnement, je vais essayer de le ventiler un maximum et de le protéger du soleil. Et pour finir, on verra un peu les équipements et leurs usages aujourd'hui, ce qui marche et ce qui marche pas. Ok, c'est parti, on commence par le choix du site de construction et son aménagement. Et on va commencer par le grand A, le choix du site. Donc ça, comme vous pouvez le voir, c'est une carte de Cayenne, si je me souviens bien, en 1950, un truc du genre. Et bah, comme vous pouvez le voir, il y a eu une très forte expansion urbaine. Donc à l'époque, il n'y avait pas tout le périphérique urbain qu'on peut connaître aujourd'hui. Et c'est pour vous dire en fait que quand vous allez choisir un site de construction, plutôt que de choisir un site de construction éloigné pour accéder à un certain isolement et être satisfait de vivre dans la nature, ça peut être aussi un très bon choix et une très bonne idée de choisir un site de construction déjà présent dans l'urbain et de densifier l'urbain plutôt que de choisir de diffuser la ville et de continuer avec l'étalement urbain. Sachant que l'artificialisation des sols est la première cause de disparition de la biodiversité, c'est vraiment intéressant de continuer dans ce qui est déjà existant et de densifier ce qui est déjà existant plutôt que de partir le plus loin possible. Donc, pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que plus je vais aller loin dans ma construction, plus je vais aller loin dans mon site, dans mon choix de site de construction, plus je vais participer à l'extension du réseau routier et à l'extension de l'urbanisation et à la diffusion de l'urbain. Et plus je vais aussi augmenter le trafic, et plus moi je vais augmenter aussi mes émissions de CO2. Et plus je vais participer aussi à la contribution et à l'artificialisation des sols. Donc vraiment, entre trois maisons qui seraient une conception égale, la différence au niveau du bilan carbone que vont pouvoir avoir les occupants, ça va être au niveau de l'éloignement par rapport au site de travail. Plus je suis éloigné de mon site de travail, plus je vais faire de la route et plus je vais polluer. C'est aussi simple que ça. Ensuite, quand on a choisi son site de construction, il y a quelques mesures qu'on peut prendre au niveau du terrain pour essayer d'avoir le moins d'impact possible. Donc en urbanisme durable, on va parler d'éviter, réduire, compenser. Le principe, c'est tout simplement, par exemple, sur un terrain, d'éviter de tout déblayer et remblayer, d'essayer de réduire un maximum l'artificialisation des sols, donc essayer de réduire un maximum, par exemple, mon dallage béton ou le parking, ou en tout cas, tous ces recours qui sont assez courts, et d'intégrer un maximum aussi le bâtiment dans la topographie existante, pareil, pour réduire aussi les opérations de déblayer et de remblayer qui sont en général assez importantes en Guyane. Dans les grosses opérations, souvent par exemple, on va avoir recours à un écologue pour identifier les zones qui sont les plus intéressantes. Par exemple, s'il y a une mare avec des espèces un peu rares, et qu'on va essayer de la protéger. Et quand c'est pas possible, c'est là où on va faire compenser. On va créer des mares artificielles, on va recréer des forêts artificielles. Et tout simplement, ce qu'on a détruit, on va essayer de le reconstruire plus loin. Et ça marche assez bien. Et pour finir, dans les grosses opérations, on essaie aussi de créer des corridors écologiques. En fait, c'est des lisières de forêt ou c'est des arbres qui vont permettre aux espèces animales de pouvoir continuer à circuler. Donc là, on va voir quelques exemples avec l'écoquartier Hibiscus et l'écoquartier Vida, qui ne sont pas non plus les plus exemplaires, mais qui sont quand même mieux que ce qu'on fait d'habitude en Guyane. Et par exemple, Hibiscus, ils ont fait le choix d'avoir des nouveaux végétalisés qui sont naturels et qui permettent une bonne intégration paysagère. Et puis aussi, il y a une bonne biodiversité à l'intérieur, c'est assez intéressant en termes d'amphibiens, de poissons et de petits insectes. Et par exemple, quand je vous parlais de réduire l'artificialisation des sols, le choix des parkings evergreen est assez intéressant. Ça permet l'infiltration de l'eau dans le sol et ça réduit aussi l'effet d'îlot de chaleur urbain. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que ma dalle en béton est environ à 60 degrés quand elle est au soleil, mon gazon à 35 degrés et mon parking evergreen, lui, à 45, donc il est entre les deux. Donc ça permet vraiment une meilleure intégration de l'urbanisme et un meilleur équilibre entre la nature et l'environnement. Donc ça, c'est le genre de truc qu'on fait qui marche quand même plutôt bien. Et puis il y a aussi, par exemple ici, les parkings avec un éclairage solaire. Pareil, ça aussi, c'est pas du tout une mauvaise idée. Donc dans l'idée, on essaie aussi un maximum aujourd'hui, surtout en Guyane, pour lutter contre l'effet d'îlot de chaleur urbain, donc le fait qu'il fasse plus chaud en ville qu'en milieu rural, de végétaliser un maximum la ville, Ça a deux avantages. Bah, d'abord, réduire la chaleur en ville, mais aussi favoriser les déplacements doux, c'est-à-dire les déplacements à pied ou en vélo. Donc quand on a une ville comme Cayenne où il y a zéro arbre, bah, forcément, on a un peu moins envie de prendre le vélo, un peu moins envie de se déplacer à pied. Et tout de suite, quand on arrive dans des quartiers qui sont bien ombragés, bah, tout de suite, on a plus envie de faire l'effort, de se dire « bon, bah, je vais à la supérette à pied au moins ». Et un dernier exemple qui est assez intéressant, c'est l'intégration de la zone humide dans le quartier Hibiscus. Donc cette zone humide, imaginez qu'elle réagit comme une éponge. Quand il y a trop d'eau, elle se remplit et du coup elle permet d'absorber l'effet d'inondation. Quand il n'y a pas assez d'eau, au contraire, par exemple en saison sèche, eh ben, elle se déremplit et elle permet du coup la survie de toutes les espèces végétales qui sont autour. Donc ça, ça marche quand même plutôt bien. Et l'idée, c'est de ne pas forcément évacuer l'eau du coup vers des points extérieurs, mais de l'intégrer dans son projet d'aménagement. Et vous aussi, par exemple, vous pouvez faire pareil. Vous pouvez créer des petites mares, par exemple, dans votre jardin, dans votre projet de construction. Pour finir, là, quand je vous parlais d'éviter, ben, par exemple, là, on a gardé quand même, on a conservé des espaces naturels en périphérie des terrains qui ont été aménagés. Donc, c'est des terrains qui n'ont pas été déblayés et remblayés. On a conservé les espèces naturellement présentes et on les a mis en valeur avec ben, soit des espaces sportifs, soit des sentiers pour se déplacer. Donc, à gauche, c'est le bon exemple, et à droite, c'est le mauvais exemple. Là, on a une opération de déblai-remblai. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Mais en gros, on a vraiment fait un énorme trou dans la montagne, ce qui n'est pas terrible, terrible pour la montagne, en termes de paysage, de topographie, de bilan CO2. Et puis, bah, vous imaginez bien que les maisons qui sont autour, là, pour repartir et faire un jardin sur un sol comme ceci, bah, ça ne va pas être facile. Et là, c'est le dernier exemple. Donc là, je vous parlais de corridor écologique. C'est ce qu'on a essayé de faire avec l'écoquartier Vidal, où en fait, entre les routes, on a essayé de conserver des îlots de nature. Donc c'est pas si facile que ça, parce que les arbres, du coup, qui étaient dans un environnement forestier, se retrouvent dans un environnement urbain, donc il y en a certains qui chutent. On conserve pas toutes les espèces, on conserve seulement celles qui sont considérées comme pionnières, donc ils peuvent s'adapter facilement. Et dans les exemples qui sont aussi un peu originaux, là par exemple, en fait, c'est pas un béton normal, c'est un béton latéritique qui a été réalisé. Donc c'est plutôt intéressant, justement, pour réduire l'usage du sable et des matériaux rares. Et les candélabres sont des candélabres de bois qui ont été réalisés à l'aide des arbres qui ont été coupés sur place. Donc pareil, on essaie de recycler un peu ce qui a été coupé sur place. Et quelques arbres remarquables ont été conservés ici, comme par exemple celui-ci qui est un bois diable, qui est un bois assez extraordinaire. Voilà, voilà. Donc là, c'était un peu tout ce qu'on peut faire pour essayer d'aménager son terrain au mieux et de réduire son impact environnemental. Donc on va choisir comment on va s'implanter sur notre terrain et comment on va orienter notre terrain par rapport au vent qui va être présent sur notre site. Donc je vais vous parler des clés de l'implantation ici, mais aussi de l'implantation en fonction du vent, mais aussi du soleil. Alors les éléments à prendre en compte quand on est sur notre parcelle, c'est bien évidemment dans un premier temps l'eau. C'est-à-dire qu'on sait qu'en Guyane, il y a énormément de pluie qui tombe, que ce soit en saison de pluie ou pas d'ailleurs. Donc si jamais on a un site avec une topographie particulière, on va faire en sorte d'aller voir ce qui se passe tout au long de l'année, comment ça va se comporter, comme ça on verra en plus souvent. Ensuite, on va essayer de voir d'où viennent les vents, parce qu'on a ici en Guyane les vents dominants qui sont les alizés qui viennent de l'est et du nord-est principalement. Mais parfois, dû à la topographie particulière, il peut y avoir des effets de site, donc qui font que notre vent va venir d'une autre direction. Donc on va regarder également la topographie. Est-ce que j'ai un point haut, un point un peu plus haut, un peu plus bas? Est-ce qu'il y a un phénomène de cuvette qui va retenir l'eau? Je vais aussi regarder s'il y a des masses plus environnantes, c'est-à-dire la présence par exemple d'une forêt dense. Ça peut être aussi la présence de bâtiments d'une urbanisation dense aux alentours qui vont faire soit un masque qui va nous être utile pour faire de la protection solaire, qui va nous être vraiment très utile, mais qui peut aussi être un obstacle à la ventilation. Donc ça va prendre en compte. Voilà, donc là par exemple, on a un petit schéma qui nous montre que quand on est en haut d'une falaise, et bien on va avoir un phénomène de vent accéléré. Et derrière, il y a une retombée tourbillonnaire qui fait qu'on a un comportement particulier du vent. Vraiment, regardez ce qui se passe de manière singulière sur notre parcelle. Voilà, tout comme ici, entre deux collines, avec l'effet ventionné, on va voir qu'il y a un vent qui est accéléré. Donc ce petit graphique pour vous montrer comment se comporte, enfin, quelle est la pluviométrie, ça va si je me rappelle. La pluviométrie moyenne mondiale, donc on voit effectivement qu'à la fin de l'année, il y a un creux quand on est à la saison sèche. Et on voit surtout le pic de pluviométrie qui a lieu en mai. Et donc c'est pour ça que c'est important d'aller voir son terrain à ce moment-là. Parce que c'est là où on va se rendre compte de la catastrophe possible. Et surtout de comment éviter cette catastrophe. Voilà, et par rapport au masque d'environnement également, on voit ici que si jamais on décide de concevoir des bâtiments qui vont être uniquement en ventilation naturelle, on va préférer implanter nos bâtiments comme sur le schéma qui est à droite, c'est-à-dire en quinconce les uns par rapport aux autres, pour que la circulation du vent ne soit pas bloquée. Voilà, donc sur un site, quand on arrive, Thibault en a parlé, l'importance de la végétation. Si on arrive sur une parcelle où il y a énormément d'arbres et d'arbres remarquables, pourquoi est-ce que je viendrais pour attivoiser? C'est parfois ce qui arrive sur des sites comme ça de grands quartiers qui vont être créés, le paysagiste intervient, mais il n'a pas eu le choix de dire que je voudrais conserver ces arbres-là, il m'intéresse, il arrive, le terrain est déjà vierge, enfin vierge, redevenu tout nu. Et c'est dommage parce qu'on peut avoir ces arbres-là qui vont nous apporter à la fois du confort et de l'ombre, et en plus de nous apporter parfois des fruits et de la. Donc le petit schéma qui est ici pour vous montrer que la vitesse du vent, elle est retrouvée après une certaine distance quand on est derrière une colline. Donc ça va être 4 fois la hauteur de l'obstacle avant que le vent ne redescende, et 12 fois pour qu'il y ait une circulation qui redevienne de base. Voilà, donc les autres éléments à prendre en compte, comme je disais, c'était la direction du vent avec ici, donc notre hausse des vents, les alizés, ils viennent de l'est et du nord-est, donc c'est tout ce terre-là. On a ici le fort potentiel ici, et en fonction des autres orientations, on a quand même un petit potentiel, mais c'est moins. D'autre part, il faut regarder comment on va s'orienter par rapport à la course du soleil, donc... On rappelle que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Et ce qui va être intéressant de regarder, par exemple, si on conserve un arbre, c'est qu'il va nous être intéressant pour nos parois à l'est et à l'ouest. C'est-à-dire qu'il va créer un masque vertical, et nos rayons du soleil qui sont rasants le matin et le soir, ils vont taper sur l'arbre et pas sur la façade. Et là, ça va être un allié pour nous. Je suis désolée. Mais voilà, donc le schéma d'en bas qui nous montre en fait les différentes courses du soleil en fonction de l'année. C'est-à-dire qu'ici on est à l'est, le soleil va monter au zénith à midi, il se couche à l'ouest. Il y a une partie de l'année où il va être plutôt incliné au sud, et une autre partie de l'année où il va être plutôt incliné, c'est le mot que je cherchais, que j'ai juste de dire, mais incliné au nord. Donc en fait on voit sur ces deux graphiques ici qu'il y a la façade nord qui va être exposée entre mars et septembre, alors que la façade sud va être exposée entre août et avril. Voilà. Alors que si on pense aux bâtiments qui sont par exemple en métropole, ben on va se dire ma façade sud elle va recevoir du soleil toute l'année, alors que ma façade nord elle va toujours être sans lumière directe. Donc voilà, en fonction de là on se situe sur le globe, tous ces paramètres changent évidemment et c'est à prendre en compte. Voilà, et donc pour les parois est et ouest, tout au long de l'année, il y a à peu près la même quantité de lumière qui va venir frapper sur nos façades. Donc c'est là où on va essayer le plus possible de s'en prévenir, parce que qui dit rayon du soleil dit chaleur accumulée dans le matériau, dit transmission de chaleur à l'intérieur. Voilà, donc par exemple ici, le bâtiment de la CTG, qui est en fait un contre-exemple. Pourquoi? Parce que en fait, les deux plus grandes façades. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que ce bâtiment, de base, il était censé être climatisé. Donc, il ne fonctionne pas du tout en ventilation naturelle, donc c'est pas intéressant de l'orienter face au vent. Et donc, les deux grandes façades est et ouest ont été orientées vers l'est et l'ouest, donc vers le soleil battant. En plus de ça, il n'y a pas vraiment de protection solaire, donc il n'y a pas de débord de toiture particulièrement. Donc, en fait, c'est une moins de surtout qu'on voit que sur la photo de droite, il y a une grande partie aussi vitrée. Et les vitres, évidemment, ne retiennent pas la chaleur des rayons du soleil. Donc voilà, une fois qu'on a choisi comment on allait s'implanter et comment on allait orienter notre bâtiment, dans tout cas nous différents corps de bâtiments dans nos portails. On va regarder donc la morphologie, c'est-à-dire la forme globale du bâtiment, mais aussi le zonage, comme l'avait expliqué Thibault, donc l'organisation des pièces entre elles au sein d'un bâtiment. Donc, ici on a un exemple d'un bâtiment climatisé, c'est le bâtiment des archives de la préfecture. Et on voit en fait qu'il est, il est assez compact et c'est une bonne chose parce qu'en fait des espaces qui sont climatisés, on va essayer de les rendre le plus compact possible pour éviter d'avoir des déperditions d'énergie. C'est logique. On va évidemment faire en sorte de les isoler parce que pour la même raison, sinon on risque de perdre notre énergie dépensée en climatisation. Donc celui-là, il est bien pensé. Et l'autre bâtiment, lui, fonctionne en ventilation naturelle. Et on voit bien la différence de morphologie qu'il y a entre les deux. Le compact versus le très élancé et très dispersé, le bâtiment qui s'étale tout du long et qui a en l'occurrence une sur-toiture décollée qui permet la ventilation sous cette toiture. Donc on a un bloc en dessous qui est indépendant et l'air chaud qui peut être accumulé va être évacué justement par le vent sous cette toiture décollée. Voilà d'autres exemples. Ici, ce sont des groupes de classes. Celui-là, c'est le collège de Papa et Chou, avec des groupes classes qui sont tous séparés. Ce sont tous des blocs indépendants, mais qui sont reliés évidemment par la circulation. Et en fait, on voit que les bâtiments qui sont en fond de parcelle ici vont être surélevés par rapport aux deux, donc ils ne vont pas créer un masque pour les autres classes qui sont un peu plus en bas, en termes de topographie. Voilà, l'autre bâtiment, c'est un petit peu le même fonctionnement avec des unités qui fonctionnent en ventilation naturelle. Voilà, là, le dénivelé, le fait qu'on n'ait pas fait de remblai ou de dégâts remblais, nous a aidé aussi, a aidé le secteur du projet à bien s'en sortir au niveau de la ventilation naturelle. Voilà, donc maintenant, le zonage. Donc, comment est-ce que vous répartissez vos pièces dans la maison? Dans le plan, c'est un plan de maison. Qu'est-ce qu'a dit Thibaut tout à l'heure sur les formes de l'hospital? Est-ce qu'on les met plutôt à l'est? Alors, en tout cas, pas à l'ouest. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas les mettre à l'est? Pardon? À cause du soleil couchant. Donc, effectivement, ici, c'est un bon exemple de construction parce qu'on a les chambres à l'est. Du coup, les chambres à l'est, ici, sont intéressantes parce que, justement, à partir du moment où le soleil se lève, a priori, nous aussi. Et donc, même si la paroi commence à chauffer, on est plus dans la pièce et on va y retourner que le soir, au moment où la pièce, à la fin de la course du soleil, aura déjà le temps de retrouver sa température ambiante. Donc là, c'est intéressant de mettre à ce niveau-là. On voit aussi qu'il y a, aussi bien à l'ouest qu'à l'est, des espaces tampons, donc la terrasse ou le garage, qui font que ben, forcément les espaces qui sont derrière sont un petit peu plus abrités, mais en tout cas la façade n'est pas au nu de la toiture. Et ensuite, l'autre chose qui est assez intéressante, c'est de mettre les pièces humides à l'ouest pour la raison inverse, de la chambre, c'est-à-dire que ce sont les pièces qui vont avoir le plus de chaleur parce qu'on va forcément avoir un petit peu d'accumulation de chaleur plus de la journée, malgré les convections solaires. Et du coup, ben là, on va pouvoir évacuer l'humidité qui s'est créée dans cette pièce. La cuisine est un peu loin de la terrasse, vous faites salle à manger sur la terrasse. Ah, c'est vrai que ça demande le déplacement. Alors, il faudra peut-être un petit passe-plat, etc. C'est peut-être pas le meilleur décor, mais monsieur est architecte, donc forcément, il a l'œil pour ce genre de choses. Mais, en tout cas, mais la terrasse à l'est, c'est pratique quand même, parce que du coup, en fin de journée, on peut boire l'apéro, puis on n'a pas le soleil, on n'a pas trop chaud. Bien répondu. Bien répondu, Thibaut. Dès qu'il pleut, c'est mort. Effectivement, à moins qu'on ait des systèmes qui nous permettent de ne pas avoir la pluie battante de l'Est. En tout cas, on voit quand même qu'en pointillé ici, c'est la représentation de la toiture au-dessus qui est quand même généreuse, donc les débords nous permettent aussi d'éviter cette pluie. Voilà, donc on passe au matériel. Ouais, alors du coup, il ne faut pas oublier que la conception de l'eau climatique, c'est avant tout une question de conception et non pas de matériaux. C'est-à-dire que les matériaux viennent servir à la conception, mais ce n'est pas les matériaux qui vont faire une construction de l'eau climatique. ça parce que je construis une maison en bois et en briques qui est bioclimatique. Non, c'est faux. D'accord ? C'est vraiment le matériau qui va servir la conception. Et du coup, ça va, on n'avance pas trop vite ? Oh, c'est cool. J'ai vu télécommande. Ok, du coup, on va commencer par la protection solaire et on va commencer par parler de la toiture, tout simplement. Tout simplement pourquoi ? Parce que c'est par la toiture que rentrent les deux tiers de la chaleur. Ensuite, le tiers restant va rentrer essentiellement par les ouvrants, puis par les murs. Donc, pour la toiture, la première chose à faire, ça va être de choisir une teinture qui soit claire, une teinte claire. Donc, entre une toiture claire et une toiture sombre, moi, le maximum de différence que j'ai vu, je pense, ça va être à peu près de 20 à 25 degrés. C'est-à-dire qu'une toiture blanche, moi, je les vois à la caméra thermique à 40 degrés. Une toiture plus sombre, on peut les voir à la caméra thermique à 65 degrés. Donc, vous imaginez bien l'impact que ça peut avoir ensuite à l'intérieur du bâtiment. Ensuite, le second aspect, ça va être l'isolation. Donc tout simplement, plus ma teinture de toit est claire et foncée, pardon, plus je vais devoir mettre d'isolant en dessous pour me protéger de la chaleur du soleil et pour empêcher la chaleur du soleil de rentrer à l'intérieur du logement. Et après, le petit tableau que je vous ai mis à droite, c'est simplement pour vous sensibiliser au fait que l'isolant, c'est pas le truc le plus écolo qu'on puisse trouver à la maison, loin de là. Donc par exemple, la laine de verre et la laine de roche, la laine de verre, les professionnels vous diront bah, « la laine de verre, c'est du verre recyclé, c'est écolo ». Oui, sauf que pour fabriquer la laine de verre, en fait, on pollue énormément et ça demande énormément d'énergie grise. Donc c'est vraiment pas le matériau le plus écologique qu'on puisse trouver. En revanche, la ouate de cellulose ou par exemple la laine de bois, qui sont la ouate de cellulose qui existe ici et la laine de bois, qui sont une filière en cours de réflexion, eh bien ça, ce sont des matériaux qui ont un poids carbone et une énergie grise qui sont vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup moins élevés. Le choix de la matériau, du matériau isolant peut être quand même assez important. Donc on n'oublie pas, tout simplement, une teinture de toit claire et en fonction de ma teinture de toiture, un isolant en dessous pour me protéger de l'entrée de chaleur. Donc une fois qu'on s'est bien protégé de l'entrée de chaleur justement par cette couche d'isolant, qui va protéger déjà des deux tiers à peu près ou au moins de 50% de l'entrée de chaleur dans mon logement, je vais m'occuper de la protection de mes façades et de mes ouvrants. Et là, on a différents dispositifs qui sont assez variés et qui vont dépendre en fait de l'orientation du bâtiment. Alors, par exemple, le balcon, tout simplement, qu'on retrouve quasiment sur toutes les maisons créoles. Bah, il est joli, il est sympa, puis il fait aussi protection pour les étages qui sont en dessous. Et le brise-soleil horizontal. Donc le brise-soleil, c'est tout simplement des lames de bois qui sont ajourées et qui permettent à la fois une bonne protection solaire, de projeter de l'ombrage sur le bâtiment, mais qui permettent aussi de laisser rentrer une partie de la lumière naturelle dans le logement. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour un architecte, c'est quand même pas facile de trouver l'équilibre entre une bonne protection solaire et de la lumière naturelle dans le logement. Souvent, on a une maison qui est confortable, avec des grands débords de toiture, mais alors dès qu'il pleut un petit peu, c'est bon, il faut allumer toutes les lumières, on voit plus rien. Donc le brise-soleil permet justement d'ajuster un petit peu en fonction des deux. On va avoir aussi le brise-soleil vertical, donc celui-ci, qui va être plutôt pour les orientations est et ouest. Donc comme l'a dit tout à l'heure Florence, le soleil à l'est et à l'ouest, il est rasant et il va se lever progressivement. Et du coup, pour ces orientations, eh ben, une protection verticale, c'est vraiment intéressant parce que ça permet de protéger le mur et les ouvrants pendant l'ensemble du temps de la journée à l'est et à l'ouest. Au contraire, on va avoir plutôt des protections solaires qui vont être horizontales au nord et au sud. Parce que comme on l'a vu, la course du soleil est essentiellement à son zénith au nord et au sud, et ce qui fait que les protections horizontales sont celles qui pourront vraiment projeter de l'ombrage un maximum sur les façades. Donc on va réfléchir à la protection solaire en fonction tout simplement de l'orientation de la façade, plutôt verticale à l'est et à l'ouest, et plutôt horizontale au nord et au sud. Et pour finir, on n'oublie pas qu'on peut toujours isoler les façades, même en Guyane, ça serait tout à fait, à l'est et à l'ouest notamment, pour protéger des entrées de chaleur. Et le bardage en bois aussi, il est assez intéressant, alors je crois qu'il y a une slide qui le montre après. Ok, donc on vous le présentera aussi un petit peu après, le bardage, comment est-ce qu'il fonctionne. Et pour finir, toujours ne jamais oublier de végétaliser les abords du bâtiment. Ça permet du coup de projeter de l'ombrage, d'apporter de la fraîcheur. Et puis la végétation, comme l'ont prouvé de nombreuses études, nous apporte un excellent soutien psychologique. C'est-à-dire que les sources de bien-être. Et réduit aussi l'anxiété. C'est quand même pas vrai. Donc là, le bardage en bois. Le bardage en bois, s'il est collé au bâtiment, ça marche pas. Le principe, et c'est le suivant, c'est que je vais créer une seconde peau en bois devant ma façade en béton. Et du coup, ma seconde peau en bois elle va chauffer au soleil, mais la lame d'air qui est en dessous va chauffer elle aussi, et l'air chaud se dilate et a tendance à monter. Ce qui fait que l'air chaud va être évacué naturellement vers le haut, et que ma façade qui est derrière, elle, va rester au frais. Donc c'est un dispositif qui marche plutôt bien. c'est un dispositif qui marche plutôt bien et on le retrouve par exemple ici en façade de ce bâtiment. Ici, vous pouvez voir pareil les brise-soleil. Donc comme vous pouvez le voir, le brise-soleil, même s'il est ajouré, il projette toujours un bon ombrage sur la façade du bâtiment et il laisse rentrer une partie de la lumière naturelle. Donc c'est des solutions qui sont quand même assez intéressantes pour se protéger du soleil, mais garder quand même de la lumière à l'intérieur. Donc toujours l'exemple de la maison créole qui est très intéressant. Donc pour vous donner un peu de vocabulaire quand même, donc tout ce qu'on va retrouver ici autour de la maison, ça s'appelle des auvents. Donc sur les maisons créoles, ils vont mesurer entre 1,50 m et 2 m de largeur et vont permettre vraiment une bonne projection d'ombrage sur l'ensemble des façades, le balcon aussi. Et ici, on va plutôt appeler ça une casquette dans la mesure où elle protège simplement un ouvrant ou un morceau de façade. Et du coup, les volets qui sont en dessous sont des volets en persienne. Et à l'époque, ils permettaient justement une bonne ventilation du bâtiment et une bonne protection solaire en permanence. Donc à droite, pareil, c'est une casquette qui protège simplement une porte. Et du coup, ici, pour des orientations qui sont à l'est et à l'ouest, comme on vous parlait tout à l'heure, et bien, du coup, on va avoir plutôt des brise-soleil qui ne vont pas être horizontaux, mais verticaux, et qui vont permettre de protéger l'ensemble des façades du soleil levant et couchant. Donc moi, quand je rentre dans les écoles, souvent les enfants ils me disent « Ah, mais monsieur, ça c'est pour empêcher les cambrioleurs de rentrer dans la maison. » Non, c'est pour protéger du soleil et pour projeter de l'ombrage. Et du coup, plus c'est décalé, en général, plus l'ombrage projeté sera efficace et dense. Donc on continue. Donc je pourrais vous montrer différents exemples. En bas, pareil, on a des brise-soleil verticaux avec une toiture réalisée avec des panneaux solaires. Et au-dessus, pareil, un grand débord de toiture. Et pour chaque ouvrant, chaque fenêtre, toujours du coup ces brise-soleil qui vont permettre de réduire l'apport de chaleur dans le bâtiment. Pareil ici, débord de toiture, auvent, casquette et du coup ces volets en persienne qui viennent devant les ouvrants pour les protéger aussi du soleil. Donc maintenant qu'on a parlé un peu de la protection solaire, on a vu les différents dispositifs architecturaux qui permettent de protéger le bâtiment du soleil, on va parler de la ventilation naturelle. Donc c'est l'aspect qui est le plus compliqué et le plus difficile à mettre en œuvre pour l'architecte, dans la mesure où capter le vent et le laisser traverser l'ensemble de la maison, ça demande un vrai défi de conception et d'aménagement intérieur. Et du coup, il y a plusieurs avantages quand même à la ventilation naturelle, à la fois du coup rafraîchir les occupants, mais aussi chasser les excès de chaleur vers l'extérieur, et éventuellement par la vitesse d'air et refroidir aussi les matériaux. Et pour que ça fonctionne, ça ne va pas être tout bête, mais il faut toujours que ce soit traversant, c'est-à-dire qu'il y ait une entrée et une sortie d'air. Alors ça paraît tout bête, mais souvent dans les maisons qu'on visite, il y a une porte d'un côté ou une fenêtre d'un côté, et de l'autre côté, il y a un mur. Donc ça ne marche pas. Donc il faut vraiment qu'il y ait une bonne porosité aussi interne, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de la maison, il y ait le moins de murs possible pour que le vent puisse traverser le plus librement possible. Et à partir de là, on va avoir un système, une conception qui va commencer à bien fonctionner. Donc oui, des espaces intérieurs décloisonnés, et puis plusieurs dispositifs aussi internes qui permettent un bon fonctionnement, comme par exemple les impostes. Vous savez, ces petites ouvertures qu'on trouve à chaque fois au-dessus des portes et des fenêtres à l'intérieur de la maison. Et ces petites ouvertures, elles permettent à l'air chaud d'être évacué naturellement pendant l'ensemble de la journée. Et elles font que, naturellement, dans la maison, il ne fait pas plus chaud qu'à l'extérieur. Donc la nature n'est pas à déséquilibre. S'il fait plus chaud chez moi qu'à l'extérieur, j'ouvre ma maison, l'air chaud, il va sortir dehors. Donc on a des beaux exemples de maisons qui sont très bien conçues en ventilation naturelle, comme par exemple cette maison-là. Donc là, on a des espaces internes, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais là, on voit le début de l'entrée. Et ce qu'on peut voir ici de l'autre côté, c'est la fin de la maison. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a vraiment très peu de cloisonnement intérieur pour permettre au vent de pouvoir rentrer naturellement. Et puis quand on parle de porosité des façades, là, c'est l'ensemble des façades qui sont ouvertes. Donc là, ce qu'on va avoir ici, ça s'appelle des ventelles. Et du coup, le but, c'est vraiment de laisser traverser et rentrer le vent naturellement pour ne pas avoir trop chaud, pour chasser aussi l'humidité. C'est-à-dire que la proue qui se peigne souvent, qui fait très humide dans leur logement, un logement qui est bien ventilé, c'est un logement qui est sain aussi, où l'air n'est pas vicié. Et c'est vraiment une bonne conception qui permet d'arriver à ce type de confort. Donc pareil pour les maisons créoles. Donc ce dont je vous parlais ici, c'est les impostes qui sont au-dessus des portes et des fenêtres, qui sont très efficaces. Donc la prochaine fois que vous êtes dans une maison créole, vraiment, mettez votre main sur une imposte, vous verrez, vous sentirez le vent circuler. Oui, deux autres questions, je vous écoute. Alors, Les moustiquaires, elles vont réduire légèrement le potentiel de ventilation, ça c'est clair. Du coup, on avait un prof qui avait fait le test au lycée, il nous avait dit à peu près de 20%, mais ça reste quand même très intéressant. Et moi, dans la plupart des maisons que je visite, 20% perdu, ouais, de ventilation à peu près. Et dans la plupart des maisons que je visite, moi, il y a toujours des moustiquaires sur les impostes. 20% si elles sont entretenues. Oui, c'est sûr que si elles sont couvertes de poussière, ça va pas très très bien marcher, en effet. Et c'est important de préciser. Donc ouais, moustiquaire, c'est possible, mais après, dans une maison en ventilation naturelle, bon, on va avoir forcément quelques désagréments, comme les moustiques par exemple, les insectes, et puis aussi, pourquoi pas, l'inconfort acoustique. C'est pour ça que je le disais tout à l'heure, les maisons créoles par exemple, reproduire le modèle des maisons créoles aujourd'hui en ville, ben, c'est vraiment très compliqué, à cause de l'inconfort acoustique et à cause de la pollution. Il y a toujours des solutions. Est-ce que j'ai rien oublié ? Non, puis pour finir, là par exemple, la maison créole aussi, comme vous pouvez le voir, elle a une très forte porosité, c'est-à-dire qu'elle est vraiment très ouverte. Ses façades sont quasiment entièrement recouvertes de fenêtres, quoi. Alors, quelques petits trucs que vous allez pouvoir voir ici, et vous vous êtes demandé peut-être, ben, à quoi ça sert ? Eh ben, par exemple, ceci, c'est une écope de toiture. Donc l'écope de toiture, comment est-ce que ça marche ? Tout simplement, l'écope de toiture, elle est ouverte vers le haut, et le but, c'est que l'air chaud monte, et en montant, naturellement, il va venir se caler contre la pente du toit et être évacué vers l'extérieur. Donc il y a différentes conceptions, on peut les construire de différentes manières, mais en général, on va essayer de mettre l'écope, c'est-à-dire l'ouverture, sous le vent. D'abord pour éviter l'entrée de pluie dans les combles, et puis aussi parce qu'on se souvient tous des bâtiments à hibiscus, où la toiture s'était décollée il y a un an ou il y a deux ans, je crois, parce que la conception avait fait l'inverse. Et du coup, le vent avait été accéléré au niveau de cette pente pour venir se caler ici, et ça avait arraché les toitures vers le haut. Donc bon, ça peut être parfois intéressant quand même d'inventer des conceptions dans le bon sens. La toiture décollée aussi, pareil, c'est un autre dispositif qu'on voit très souvent en Guyane. Et le principe, c'est de décoller la toiture par rapport au reste du bâtiment. Donc toujours la même chose, le vent va pouvoir passer en dessous, refroidir les matériaux, chasser l'excès de chaleur. Ça va demander moins d'isolant. Et du coup, ça va réduire l'impact environnemental du bâtiment. Et très généralement, on va utiliser du bois pour la charpente. Et du coup, c'est pareil, une bonne conception avec des bons matériaux. Et puis, on a les compétences ici pour le réaliser. Donc, c'est vraiment des conceptions qui sont très intéressantes. Et là, sur le bâtiment, vous pouvez le voir, on a aussi beaucoup de façades qui sont en dentelle afin de réussir un maximum la ventilation naturelle. N'hésitez pas, pareil, à poser des questions, à intervenir si vous le souhaitez. C'est parti. Le plafond et le toit doivent être suffisamment importants, c'est pas nécessaire, ça peut faire 50, 60, pas plus, parce que là c'est beaucoup plus quand même. Oui, mais ouais. C'est pas joli, 50, 60. Alors normalement, pour que ce soit une bonne surtoiture ventilée, les chiffres ils disent qu'il faut que là l'ouverture corresponde à 5% de la surface de la toiture au minimum. Et là on a une surtoiture ventilée qui est performante. Mais en général, de toute façon, une toiture qui va être décollée du bâtiment va permettre quand même une bonne évacuation de la chaleur et d'utiliser moins d'isolant. Ok, on continue. Du coup, là, c'est toujours le beige de Baïcheton, vous savez, les petites classes. Donc là, on peut le voir justement que la toiture a été très décollée. Et puis, ça, c'est le nouveau quartier qui se construit à Copaya. Pareil, ce type de toiture se généralise aussi. C'est bien pour la diversité paysagère, ouais. Alors là, c'est un autre dispositif. Vous pouvez le voir aussi dans quelques maisons, c'est beaucoup plus rare. Et en général, ça va être dans les maisons où on n'aura pas trop de ventilation. Ça s'appelle un lanterneau. Et du coup, le principe, il est assez simple. Le lanterneau, en gros, en fait, il va chauffer plus que le reste de la toiture. Et du coup, on va avoir une différence de température thermique entre le haut du bâtiment et le bas du bâtiment. Et comme la nature, elle n'aime pas les déséquilibres, et ben, ça va tirer l'air froid vers le haut et ça va tirer l'air chaud vers l'extérieur. Ça s'appelle un tirage thermique. Et ici, on peut voir la photo vers l'intérieur. On peut voir que du coup, dans le bâtiment, tout est ouvert pour permettre justement à l'air frais de monter et d'être évacué vers l'extérieur. Et ça va permettre de créer quand même une petite vitesse d'air dans le bâtiment. C'est assez intéressant. On appelle ça un lanterneau. Alors maintenant, on va parler aussi un petit peu de matériaux. Donc les matériaux naturels qu'on a en Guyane, il y en a pas beaucoup. Il y en a essentiellement deux, le bois et la terre. Donc ces matériaux, ils sont quand même intéressants. C'est vrai que souvent, ils ont un coût d'investissement qui sont plus élevés. Souvent, les Guyanais vont nous dire aussi, enfin tout le monde en général, que oui, ça coûte cher. Oui, ça coûte un peu plus cher à la conception, c'est vrai. Mais on y gagne en confort. Et puis, c'est des matériaux qui ont un cycle de vie vertueux, qui sont sains, qui ont beaucoup qui ont d'excellentes propriétés thermiques, un faible impact environnemental, bref, il y a beaucoup d'avantages. Par contre, en effet, oui, par exemple, le bois, ça demande un peu d'entretien et un peu de vigilance, par exemple, contre termites. Mais, par exemple, le bois, quand il grisonne, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est esthétique, c'est pas structurel. Donc c'est pas très très grave. En soi, c'est juste la maison qui vieillit. Donc il faudrait peut-être aussi se réadapter au fait que nos maisons, elles demandent parfois de l'entretien. Et c'est pas très grave. Il y a la question de l'isolation sonique aussi. Parce que du coup, il n'y a pas d'isolation sonique dans une maison climatique. Oui, ce que je disais tout à l'heure, c'est que justement, ouais, c'est pour ça qu'on ne pouvait pas reconstruire des maisons comme on les avait, des maisons créoles, dans le modèle qu'on avait avant, aujourd'hui en vide. Parce que justement, ces maisons en ventilation naturelle, exactement comme vous le dites, ne seraient pas forcément confortables aujourd'hui, à cause du bruit et à cause de la pollution en ville. Donc aujourd'hui, on essaie de faire des conceptions qui sont un peu différentes, où par exemple, on va mettre le cellier, la cuisine, les pièces utiles du côté de la rue, et les pièces de vie vraiment du côté de la végétation, et qui lui est plus calme, et du coup qui est plus viable en soi. Mais en soi, vous avez entièrement raison, c'est des modèles, enfin je veux dire, c'est difficile de construire une maison aujourd'hui en ville, par exemple en ventilation naturelle. Même à l'intérieur de la maison, il n'y a pas de son qui circule à l'intérieur de la maison. Alors là, ça dépend de notre conception, c'est-à-dire qu'on peut créer des espaces en ventilation, on peut créer une maison qui soit entièrement traversante en ventilation naturelle, mais séparer les espaces de vie et les espaces utiles. C'est-à-dire que moi, ma maison de ventilation, je vais avoir par exemple plusieurs chambres en enfilade, et ensuite un mur qui sépare, et après la cuisine, par exemple le salon et les celliers qui sont en enfilade en ventilation traversante. Mais du coup, moi, je peux me lever le matin et faire la cuisine sans réveiller le reste de la famille. C'est ça, pardon. Vous pouvez y réfléchir, il y a des solutions. Ça, c'est pas tant un problème. C'est plus avec l'environnement extérieur où là, on aura un problème. Pour le bruit, en fait, il y a deux phénomènes. Il y a le phénomène de la pièce en elle-même. Qui va transmettre le bruit par l'air d'autres pièces. Et il y a le phénomène des cloisons et des matériaux de la pièce. Il y a une grande partie du bruit, il y a une grosse partie du bruit qui est transmise à travers les cloisons. Donc si les cloisons sont sonores, par contre on est dans un bois sonore, le bruit va se transmettre partout. Si elle est en béton avec de l'aggloméré, non violent, etc., le bruit ne se transmettra que par les portes. Et donc, la gestion du bruit sur une zone comme Cayenne, elle vient non seulement de l'environnement, mais aussi de la technique de construction des maisons anciennes qui ont été faites. Donc, j'étais très très légère, parce qu'ils n'avaient pas d'argent pour construire en double paroi, etc. Et le fait de construire en double paroi en bois, par exemple, avec un isolant intérieur, ça diminue énormément l'impact du bruit entre les pièces et de l'extérieur. Il ne faut pas seulement réfléchir du coup l'intégration de sa maison dans son environnement, mais il faut aussi réfléchir à la conception de la porosité et de l'aménagement interne de la maison. Exactement, ça je suis entièrement d'accord. Et du coup, pour étayer ce que vous venez de dire, par exemple la brique de bois de Guyane, de terre de Guyane, la brique de terre compressée, est un excellent isolant acoustique. Donc pour l'aménagement des espaces internes, elle est super. Mais comme vous l'avez dit, du coup, faire gaffe aux portes. Si je prends une porte derrière qui est en contreplaqué, ça sert à rien. Ok, alors, vous le savez bien, les toitures chez nous, elles sont faites en tôle, en bac acier. Et pourquoi? Parce que ça coûte pas cher, parce que c'est facile à mettre en œuvre, et parce que ça a quand même une bonne durée de vie, il faut bien l'admettre. Par contre, le truc de ces deux matériaux, c'est qu'ils ont une inertie qui est faible, et ils chauffent, ils ont une conductivité qui est très élevée, donc ils chauffent très très vite, mais ils se refroidissent aussi très rapidement. Mais l'avantage, c'est que je vais pas avoir une grosse charpente à mettre en œuvre pour la toiture. Et ici, c'est des revêtements tout simplement étanches pour les bâtiments à toiture plate. Alors, je sais ce que vous allez me dire. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas les toitures végétalisées? Alors, la toiture végétalisée, c'est intéressant, mais il y a quand même d'autres petits trucs. D'abord, la toiture végétalisée, d'abord, elle a un poids énorme sur la structure. Donc, ça va demander d'avoir des piliers porteurs qui sont assez importants. Ensuite, comme vous pouvez voir, c'est pas un truc qu'on met en œuvre aussi facilement. C'est-à-dire qu'il faut plusieurs couches. Et ici, on n'a pas forcément les compétences nécessaires pour le mettre en œuvre correctement. On a souvent des infiltrations d'eau à l'intérieur du bâtiment. Alors, des infiltrations d'eau mêlées avec de la terre, vous imaginez bien que sur les façades, ça sera très très joli. Et puis, comme je l'ai dit aussi, il y a aussi l'idée du poids. C'est-à-dire que cette terre, elle a un poids, encore plus quand elle est gorgée d'eau. Il faut renforcer la structure pour pouvoir soutenir cette clôture végétalisée. Et pour finir, il faut aussi contrôler la végétation qui va venir pousser sur la toiture. Et comme on est en Amazonie, ça c'est assez compliqué. Et très souvent, avoir des espèces qui vont être extérieures, qui vont pouvoir venir et éventuellement percer les couches de drainage ou les filtres ou les revêtements anti-racines. En tout cas, on n'a pas eu des très très bons retours jusque-là. Ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas faisable. Ce qui veut juste dire qu'il y a des barrières à passer. Par contre, les toitures en bardeaux d'oie-paille et en tuiles de terre cuite, on en voit de temps en temps. Alors ces toitures qui coûtent un peu plus cher à la construction, qui sont plus lourdes aussi, donc qui vont demander plus de structures porteuses, mais qui ont d'excellents avantages thermiques. Donc par exemple, la toiture en oie-paille, il faut une pente minimum de 40% pour que l'eau puisse être évacuée. La toiture en tuiles de terre cuite est assez lourde. Mais c'est des matériaux qui ne vont pas chauffer autant que la tôle et qui vont permettre vraiment d'avoir un bon confort dans le bâtiment puis d'avoir recours à moins d'isolant. Et puis ben voilà. Donc il faut quand même espérer que la toiture végétalisée, ça va se développer un jour. Et pour finir sur les matériaux, on a choisi des jolies petites maisons réalisées en briques de terre compressée. Le problème de la toiture en WAPA, c'est qu'elle demande également un gros entretien. Parce que sinon, le WAPA finit par se fissurer, donc il faut vraiment l'entretenir, sinon, au bout de 5 ans, on risque d'avoir des fuites. Le problème de la tuile, c'est qu'on a trop froid. Ouais, c'est au Brésil. Alors que moi j'ai une maison en tuile, c'est génial. Au niveau thermique, c'est génial. Je ne suis même pas isolé dessous. Donc il faudrait essayer. Et par contre, la tuile, au niveau énergie grise, bah, c'est pas un bon matériel. Bah, je ne suis pas sûr que ce soit assez à peu près égal à tôt, non, je pense. Il n'y a pas vraiment une grande différence entre les deux, je ne sais pas. De prélèvement de terre pour faire de la tuile en argile, et puis ça va faire venir. Et je ne sais pas si le plus simple, c'est pas de la faire venir carrément de métropole. Parce que au niveau poids-volume, c'est très intéressant. Puisque ça pèse plus d'une tonne au mètre cube, donc dans un bateau, ça revient pas cher au niveau énergétique, justement. Bon, ça, c'est à étudier. Je pense que la tuile avec la brique de terre crue, c'est une excellente solution. On évite même l'isolant. Oui, d'ailleurs, ça me pensait pour rebondir qu'en effet, là, les briques qu'on va utiliser qui viennent de la BDTG ne seront pas cuites. Ce sont des briques de terre compressées. Et c'est une action chimique qui fait que, grâce au liant qui est à l'intérieur, ça va permettre à la brique d'avoir une bonne durée dans le temps, une bonne durabilité. Et puis, c'est aussi un excellent matériau de construction. Et du coup, il y a quand même beaucoup d'avantages, notamment thermiques. Elle va ralentir l'entrée de chaleur dans le logement, elle va réduire l'amplitude de température aussi. Ça a aussi un bon isolant acoustique et elle va permettre aussi de réguler l'hygrométrie. Et du coup, tous ces échanges thermiques et d'hygrométrie font qu'on va avoir en général un meilleur confort dans une maison en briques de terre compressée plutôt que dans une maison en béton. J'ai une question par rapport à la brique. Est-ce qu'on peut la poser sur le bois, sur un plancher ? Oh, pinaise ! Alors, la réponse c'est je crois apparemment. Il y aura un dimensionnement à faire, mais a priori, un mur en brique. Un mur en brique est relativement lourd, mais a priori, il me semble que c'est possible. Hein. Un dimensionnement correct à faire. Les voies de Guyane sont classées classe 4, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne brisent pas. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne bouge pas aussi. Ça ne veut pas dire qu'il ne bouge pas non plus. Donc, moi, pour moi, la brique, quand je la prescris, je la mets sur une assise en béton. Et le bois... Hydrofugé. Le plancher en bois, il est au niveau de l'assise en béton, il n'est pas sous la brique. Et là-dessus, j'aurais envie de dire qu'il y a d'autres techniques de construction en terre que la BTC, telles que le torchis, qui sont beaucoup, beaucoup moins lourds. Et peut-être serait beaucoup plus à même à mettre en œuvre au-dessus d'un plancher bois. Oui, mais c'est pas au-dessus d'un plancher bois. Le plancher bois, il est indépendant de la brique en torche, du mur en torche, complètement. Il n'est pas supporté par le torche. Il est entre les poteaux. Il est entre les poteaux. Quelle est ma technique ? Il n'est pas public. Juste pour finir, moi, je voudrais vous dire un petit mot quand même sur les maisons en bois. Les maisons en bois, c'est super, c'est sympa, c'est mignon. Mais il faut bien penser au fait que quand on construit une maison en bois, ils font des bons débords de toiture. Parce que généralement, on fait des façades en bois qui sont une seule peau. Et du coup, bah, le bois, ça a 2,5 cm d'épaisseur. Donc, c'est un bon isolant. Mais contre un parpaing de 8 cm, bah, en fait, on a la même transmission de la chaleur, voire même plus rapide. Donc, une maison en bois, pour le confort dans la journée, c'est parce qu'il y a de mieux. Pour le confort nocturne, par contre, c'est super. Parce que le bois, il refroidit très vite. Donc vraiment, quand on construit une maison en bois, il faut des bons débords de toiture ou au moins peindre les bois, les façades d'une peinture blanche, parce que sinon, la transmission de la chaleur se fait assez rapidement dans le logement et c'est pas forcément les maisons les plus confortables thermiquement. Ou alors sinon, comme vous l'avez dit tout à l'heure, monsieur, il faut des parois double peau ou avec un isolant au milieu. Et là, on commence à avoir vraiment un bon confort thermique. Mais là aussi, on commence à avoir une maison qui coûte un peu cher. Ok, c'est bon. Maintenant, la dernière partie, mesdames et messieurs, les équipements et les usages. Je laisse la parole à madame Florence de Marie. Ah merde, d'accord. Ok, c'est moi qui fais aussi. Bah du coup, la clim. Alors, est-ce que vous savez combien ça consomme une clim? Une clim, c'est entre 1000 et 2000 watts toutes les heures. Un brasseur d'air, face à ça, c'est entre 10 et 100 watts. Et un ventilateur, entre 40 watts. Ça, je le répète toute la journée dans les écoles. Non, vraiment, c'est assez dingue, on ne se rend pas forcément compte. Les enseignants, ils me regardent et me disent « Ah ouais, mais c'est les vrais chiffres ?» Oui, c'est les vrais chiffres, monsieur. Et du coup, pour vous donner un peu une idée, la clim, c'est 2000 watts quand je la règle vraiment à 16 degrés et qu'elle doit faire un max de froid. Et on va arriver plus sur du 1000 watts quand on la règle à 26 degrés. Donc pareil, la température de consigne, c'est vraiment important. Et alors attends, la photo à côté, voilà. Ensuite, la clim, il y a quand même d'autres inconvénients que simplement sa consommation d'énergie qui est juste monstrueuse. Ça va être aussi les impacts qu'il va pouvoir avoir sur le bâtiment, dû à la différence de température. Moi, je vais avoir une clim qui est très froide, un air derrière à l'extérieur qui est chaud, et du coup, ça va créer de la condensation. Et ça, c'est une grosse source de dégradation dans le bâtiment. Et du coup, là, par exemple, c'est dans le bâtiment de l'URSSAF. Et la dame qui travaillait à l'intérieur me disait qu'il y avait tellement de condensation due à la clim et à la différence de température entre l'intérieur et l'extérieur, qu'elle se retrouvait même avec des champignons dans son bureau, et que clairement, l'air devenait pas terrible à respirer. Donc la clim, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'elle ne renouvelle pas l'air dans votre logement ni dans votre bureau. Donc si vous ouvrez pas un minimum les fenêtres en arrivant dans votre bureau, bah, vous aurez toujours le même air qu'en fait qui circule à l'intérieur et qui va être rafraîchi. Et ça, pareil, c'est à savoir. Donc la clim, pareil, ne purifie pas forcément l'air, à moins d'avoir les dernières clims, de votre logement ni de votre bureau. Donc en arrivant, généralement, il faut ouvrir les fenêtres, aérer un petit peu, chasser l'excès de chaleur, et là seulement on allume la clim. Et si vous êtes un peu écolo, vous l'allumez à 26. Ah, en plus, une petite précision, c'est vrai qu'on a pas mis d'image, mais je sais pas si vous avez déjà vu des façades où il y a des espèces de coulures un peu rougeâtres. En fait, il faut faire attention parce que si effectivement on a un espace qui est climatisé à l'intérieur et qui n'est pas isolé, en fait, le mieux, oui, il va avoir une face à l'intérieur qui va être très fraîche et l'autre face à l'extérieur qui va être à la chaleur et à l'humidité. C'est là où justement ça va condenser, comme sur l'image qui est là, mais au lieu que ce soit une vitre, c'est le mur. Du coup, le mur, lui, il prend toute l'humidité et forcément, il a moins duré dans le fond. Donc, l'importance de bien isoler les espaces climatisés. On va revenir il y a quelques années. La climatisation ne se faisait pas avec les fameux splits, c'est-à-dire que ceux qu'on voit actuellement. Ça se faisait, je pense que. Pas si vous l'avez connu, avec ce qu'on appelait des windows. C'était des clims, on faisait un trou dans la façade et on mettait le clim. Et le gros intérêt de ces windows, c'est qu'ils avaient une position ventilation. C'est-à-dire qu'on voulait prendre l'air de l'extérieur. Petit à petit, ils ont disparu. Et maintenant, donc, toutes les pièces, les chambres notamment, sont climatisées avec des splits. Le problème, c'est que pour avoir une bonne climatisation, il faut que la chambre soit étanche et climatisée. Donc il n'y a pas de renouvellement d'air et les parois extérieures ne sont pas suffisamment isolées pour supporter une température permanente plus basse que l'extérieur. Donc en fait, ça pourrit forcément parce qu'on n'a pas d'isolation des murs, parce que la clim tourne trop fort pour pouvoir atteindre la température de consigne intérieure. Donc en fait, pour une maison, quand on passait sur une climatisation, on a tout intérêt à passer avec des climatisations de performantes et à rajouter en plus une ventilation, une VMC, au moins une VMC, et au moins une isolation des pièces. Sinon, ça, très très vite, la maison va se dégrader, il y aura des problèmes de champignons, de morsures, de maladies. Oui, ouais, c'est vrai que je rebondis, mais on ne le dit pas assez souvent, on peut, enfin, vous pouvez isoler vos pièces climatisées chez vous en Guyane. Et en plus, on a des financements aujourd'hui qui sont fournis soit par EDF, via les offres EDF Agir+, soit par un prime rénov pour y arriver. Et ça permet de réduire l'usage de la clim, de réduire aussi son impact, comme vous l'avez dit, sur le bâtiment, et du coup, de réduire un peu les dégradations. Donc ça, ouais, carrément. On peut isoler les pièces climatisées, c'est une très bonne idée. Et bonne nouvelle, la prime rénov vient d'être repoussée, en fait. Reporté sur 2 ans. La quoi ? La prime rénov vient d'être reportée sur 2 ans. Et du coup, pour rebondir là-dessus, avec le centre de ressources du coup, que j'anime, on développe des petits outils comme ça de vulgarisation. Et vous pouvez prendre ici, il y a des petits dépliants sur chaque thématique. On n'entend pas du tout. Oui, alors du coup, il y a des petits dépliants sur différentes thématiques. Ici, on a le guide de l'isolation qui vous donne une idée de. Mais pourquoi isoler, comment on isole et quels sont les matériaux qui sont disponibles ici en Guyane. Je vous invite à vous servir si ça vous intéresse. Du coup, je continue la parenthèse. Il y a aussi un guide sur les brasseurs d'air et un guide sur les 8 éco-gestes pour la rénovation énergétique, entre autres. Et les deux autres, a priori, vous savez ce que c'est puisqu'il y a une présentation d'Aqua et le petit guide de la construction de l'OQMS. Voilà pour la parenthèse. Alors, juste pour terminer, du coup, dans les gros bâtiments, on s'est rendu compte qu'en fait, les gens, ils se partaient du travail et puis ils laissaient la clim allumée à 16 degrés pendant toute la nuit, voire pendant tout le week-end, les lumières, et que c'était pas facile de les responsabiliser dans la mesure où c'est pas eux qui payaient la facture. Du coup, on a trouvé une super idée, on s'est dit, tiens, on va mettre un ordinateur intelligent qui va tout faire à leur place, ça s'appelle une GTB. Et ce truc-là, en fait, ça fonctionne pas très bien non plus. Alors, pour vous donner une idée, on a fait un truc encore plus simple. On s'est dit, tiens, on va mettre des horloges. Par exemple, pour que les lumières s'éteignent et s'allument à horaires réguliers. Sauf que bah, pas de bol, il y a tellement de coupures d'électricité en Guyane qu'au bout d'un an, les lumières elles ont fini par s'allumer le jour et par s'éteindre la nuit. Et pour la GTB, bah, c'est un peu la même en fait. On les installe, puis en fait on se rend compte après qu'on ne sait pas les utiliser, qu'on n'a pas les compétences ni pour les maintenir ni pour les réparer. Et du coup, on arrive à des aberrations où on visite certains bâtiments. La clim est allumée à 16 degrés à 8h du matin, des bureaux qui sont inoccupés, on ne sait pas comment l'arrêter. Et puis surtout, elle continue de fonctionner pendant le week-end. Ça, c'est ce qui arrive assez régulièrement. Donc la meilleure solution, en fait, dans tous les cas, bah, c'est soit d'avoir les compétences localement pour gérer ce genre de trucs, soit bah, de responsabiliser les usagers afin qu'ils fassent le meilleur par eux-mêmes. Et puis on a souvent aussi des petits contre-exemples avec, bah, par exemple, sur les fenêtres. Alors, on avait un truc pour, quand on ouvre la fenêtre, ça coupe la clim. Et bah, du coup, les gens, ils ont trouvé la solution et ils finissent par ouvrir les fenêtres en allumant la clim, simplement pour montrer que bah, c'est pas des moutons et puis qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent malgré ce qu'on essaie de leur imposer. Donc, la meilleure solution, ça reste toujours de responsabiliser l'usager, selon moi, c'est cette opinion n'engage que moi. Mais la GTB, ouais, non, ça fonctionne pas très bien. Après, il peut y avoir des bonnes conceptions, par exemple, programmer l'extinction des clims, ça c'est une bonne idée. Programmer l'allumage des clims, c'est une mauvaise idée. Du coup, tu dis responsabiliser les usagers, aussi l'intégrer dans le projet. C'est dans le meilleur des cas, c'est ce qu'on peut faire. On essaye de recueillir les besoins, les attentes des usagers et si on arrive à composer avec ça, bah, tout le monde y gagne en fait. Parce que le concepteur, il a conçu quelque chose qui vit comme il devrait vivre et puis l'usager, il est content de ce qu'il a. Et du coup, pour terminer, justement, on arrive sur une des dernières diapos. Et l'idée, en fait, souvent aujourd'hui, ce qu'on va proposer aux particuliers, enfin aux architectes et aux particuliers, c'est de construire des bâtiments qui soient réversibles. C'est-à-dire qu'ils puissent fonctionner aussi bien en ventilation naturelle que. Qui puissent fonctionner aussi bien en ventilation naturelle que en climatisation. Donc le principe, c'est tout simplement, si mon usager. T'inquiète pas, c'est bon. Si l'usager, il change, bah, peut-être que le premier, il voudra bien fonctionner en ventilation naturelle, mais le second, il voudra avoir la clim. Bah, mon bâtiment, il est adapté et je peux par exemple ouvrir les ouvrants et avoir du vent ou les fermer et avoir la clim. Je peux utiliser les deux et ça ne me pose aucun problème. Sinon, on arrive en fait à des bâtiments qui ont été construits en ventilation naturelle dans lesquels on installe la clim et on essaie de calfeutrer un peu toutes les ouvertures à l'arrache, mais ce qui serait du beau. Et ça ne marche pas du tout, on a des grosses éparditions d'énergie et de froid et ça ne fonctionne pas. Donc l'idée, c'est vraiment, bah, du coup, soit comme l'a dit Florence, de demander à l'usager avant de construire le bâtiment qu'est-ce que tu veux, comment tu veux travailler, dans quelles conditions, soit sinon de construire des bâtiments puissent fonctionner aussi bien en ventilation naturelle qu'en clim. Alors voilà, Là, on fait un petit résumé des différentes étapes de conception bioclimatique dont on vient de vous parler. Donc, si je résume, est-ce que vous vous en souvenez? Si je vous dis localisation, la suite, c'est quoi? Orientation. Orientation et ça, l'orientation, c'est comment on va le tourner sur son axe. Et le deuxième, c'est l'implantation. Où est-ce qu'on va le situer? Sur notre parcelle. Super. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on a après l'orientation? On n'a pas forcément détaillé, donc je vais vous donner la réponse. Donc, on a parlé de la morphologie, d'ailleurs, comment est-ce qu'on organise l'espace dedans. Ensuite, on a parlé de l'enveloppe avec tous les matériaux, les protections solaires et comment laisser passer la ventilation quand on est en ventilation naturelle. On a parlé des équipements, à la fois des climatiseurs, mais aussi des brasseurs d'air, et l'importance de garder la végétalisation ou bien de remettre en place sur notre terrain. Et ensuite, l'implication des occupants et des usagers dans le bâtiment pour le faire fonctionner correctement. Et là où on voudrait insister, c'est en fait dans la manière dont on va réaliser cette démarche, c'est-à-dire qu'on va essayer de faire ces étapes dans l'ordre. Parce que si jamais on commence en s'implantant mal sur notre terrain, et bien ensuite on va devoir compenser dans les autres étapes. C'est-à-dire que si on est avec une façade qui est exposée en plein soleil, et bien on va peut-être mettre beaucoup plus de brasseurs d'air, ou pire, mettre beaucoup plus de climatiseurs. Donc en gros, il faut bien raisonner de manière dans cet ordre logique. Voilà, et maintenant, un petit peu d'exemple de bâtiments locaux pour vous donner envie ou pour vous donner des idées. Alors, pas du tout celui-là. Pourquoi? C'est naze. Non, mais justement, c'était pour voir si vous avez bien suivi. C'est pour voir si vous aviez bien suivi. Alors, moi, je me suis un petit peu emmêlée des pinceaux. Pourquoi ce bâtiment-là? Alors déjà, est-ce que quelqu'un est déjà rentré dans ce bâtiment? Oui, là-bas, d'accord. Il fait chaud? Il fait froid? Il fait chaud? Alors bon, effectivement, c'est le forum de Baduel. À votre avis, alors même si vous n'êtes pas allé à l'intérieur, à votre avis, qu'est-ce qu'on aurait pu améliorer là, juste en regardant cette image-là? On regarde ce qu'on vous a expliqué. Tu connais bien la réponse. Alors déjà, si on regarde un petit peu les matériaux, voilà, alors les protections solaires, qu'est-ce qu'elles ont? Quoi? Oui, bah oui. Qu'est-ce qu'elles ont, les protections solaires? Les protections solaires, enfin, je ne les vois pas très bien, mais elles ne sont pas assez... Mais si on ne les voit pas assez bien, c'est peut-être justement qu'elles ne sont pas assez importantes, très bien vues. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Monsieur le barrage. Pardon? Exactement, il y a beaucoup de vitrages. Ouais, exactement. C'est une aberration. C'est effectivement une serre. La serre, elle sert à se protéger de la pluie et à capter le maximum de soleil. Donc là, on atteint l'objectif. Et ensuite, si on regarde la couleur, la couleur est sombre. Effectivement, c'est du gris sombre. Alors le rouge. Le rouge pétant, pourquoi pas? Ça n'a pas trop d'influence, mais effectivement, le gris foncé comme ça, c'est pas le bon plan, parce que tout comme moi, si j'avais ce t-shirt clair en pleine journée, j'aurais beaucoup plus chaud que si j'avais un t-shirt clair. Et bien là, la façade en gris, elle capte énormément de soleil et donc de chaleur. Voilà. Ah oui, et ce qu'on ne voit pas aussi sur la photo, c'est qu'il y a un super bel atrium. C'est-à-dire qu'en fait, au niveau de la toiture, on a une espèce de bulle en verre, qui fait qu'on a une super lumière au rez-de-chaussée, alors qu'il y a deux ou trois étages. Donc c'est magnifique, mais c'est aussi la porte ouverte à la grosse chaleur. Donc en fait, les usagers à l'intérieur, malgré... ils ont doublé, je crois, les appareils de climatisation, et malgré ça, ils continuent d'avoir trop chaud. Ce que je trouve aberrant, c'est qu'il n'y a pas des obligations simplement de l'État sur les constructions. Alors, parlons-en justement. Il y a pour la construction des logements neufs, il y a la réglementation thermique qui est en vigueur. Donc effectivement, quand on construit un logement d'habitation, on a des obligations au niveau des protections solaires, de la ventilation naturelle. On a des objectifs à respecter. Ou en tout cas, il faut prouver qu'on les met bien en œuvre dans notre plan. Par contre, pour tout ce qui est tertiaire, il n'y a pas du tout de réglementation. Et du coup, en ce moment, on est en train d'essayer de travailler à ça, donc aussi les acteurs du bâtiment, pour mettre en place justement une réglementation thermique au niveau de tertiaire. Est-ce que c'est un gros problème? Et encore maintenant, on voit des projets qui voient le jour régulièrement et qui n'ont pas du tout assez de protection solaire. Et on sait très bien qu'il va y avoir une consommation de climatisation à l'intérieur qui va coûter à la fois très cher et qui va pas forcément donner lieu à un confort à l'intérieur pour les usagers. Donc, très bonne remarque. Ah, bon, alors là, est-ce que c'est un bon ou un mauvais exemple? Et évidemment, il va falloir argumenter. Alors déjà, qu'est-ce que ça vous inspire? Vous êtes timide? On a fait parler, vous? Il y a de l'aération qui est proposée. D'accord. Ensuite, il y a d'autres suggestions. Un puits de fraîcheur, oui. Avec, entre les deux bâtiments, par exemple, avec un vent qui peut être accéléré comme ça, oui, effectivement. Et ben, on peut aussi remarquer qu'il y a forcément beaucoup de protections solaires qui ont été placées au-dessus des ouvrants, donc là, en l'occurrence, des brise-soleil horizontaux. Voilà, on a des matériaux ici qui sont d'une couleur assez... qui permet de réfléchir correctement la lumière. Et puis le soubassement en pierre aussi qui permet une bonne assise du bâtiment et qui est un bon comportement thermique. Et à droite, c'est des brise-soleil qui ont été construits avec un bois trouvé sur place. Et là à droite, c'est des brise-soleil qui ont été construits avec les bois qui ont été coupés sur place et du coup qui ont été du coup réutilisés pour créer ce brise-soleil qu'on peut voir sur la droite là. Donc c'est assez typique, mais c'est assez sympa. Et du coup, en effet, il y a une belle intégration du bâtiment aussi dans la topographie. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait des opérations de déblais et remblais de dingue. On a vraiment essayé d'intégrer le bâtiment dans la colline et on profite d'un effet d'accélération du vent. Mais après, c'est pas un bâtiment qui a été construit en ventilation naturelle, c'est un bâtiment qui a été climatisé et c'est aussi un bâtiment de dépose, un bâtiment à énergie positive. C'est-à-dire qu'il y a suffisamment de panneaux solaires sur le toit pour que le bâtiment produise plus d'énergie que ce qu'il en consomme. Et pareil, dans celui-là aussi, il y a une GTB qui fonctionne très très mal. Accessoirement. La perfection n'existe pas de toute façon. Alors voilà, ici l'ancienne vanne sur le vieux port avec la réhabilitation qui a été faite il y a quelques années. Et donc tout à l'heure on a vu l'exemple du lanterneau qu'on voit ici à droite. Mais du coup, est-ce que vous vous souvenez un petit peu du vocabulaire qu'a employé tout à l'heure Thibault en parlant des ouvertures au-dessus des fenêtres par exemple? C'est un mot qui est assez atypique et qui peut... Ah, ben voilà, super. Impostes, exactement. Super. Les impostes, qu'est-ce qu'on a aussi ici, les volets à persienne. La toiture en bardeau, on ne voit pas aussi. Oui, exactement, la toiture en bardeau, on ne voit pas. Attends, mais il y en a. Et du coup aussi un truc, vas-y, passe sur la photo suivante, toutes les barrières, c'est des petites barrières comme ça, et souvent en fait les particuliers ils font l'erreur en construisant une maison de créer de faire des murs autour de la maison qui font 1,5 à 2 mètres de haut. Et comme on l'a vu tout à l'heure, le vent, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il met 4 à 8 fois la hauteur de l'obstacle à redescendre et à reprendre son cours normal. Donc mettre des barrières comme ça, c'est permettre au vent tout simplement de pouvoir rentrer dans le bâtiment tout en créant une certaine sécurité. Et si je mettais des murs en béton, forcément je coupe ma maison de la ventilation naturelle. Il y a une règle d'urbanisme sur la Guyane qui définit la hauteur des clôtures sur rue, qui est de 80 cm plus le reste en transparent. Ouais, mais c'est pas ça qui le fait pour autant. C'est pas les mairies qui le prescrivent. Et si j'accepte ça. Merci pour cette remarque. Voilà, alors maintenant on est sur un vocabulaire architectural qui est différent du bâtiment précédent sur le vieux port. Est-ce que vous vous souvenez maintenant du vocabulaire, encore une fois? Les grandes menuiseries ici qui sont fixes et qui permettent de laisser... Oui, les ventelles, tout à fait, bravo. Voilà, alors qu'est-ce qui est positif dans ce bâtiment? Les débords de toiture. Moi, je vais faire le répétiteur. Les débords de toiture, pas d'autre? Je permets d'observer. observation. À la Faculté des sciences, on a un giton qui dit interdit de ne pas toucher quand on vient voir nos animations. Alors pour la Faculté des sciences, en général, on laisse les questions pour la fin, mais là, je vous dis qu'il est interdit de ne pas parler, donc n'hésitez pas, ne soyez pas timide. C'est interdit d'intervenir. Ouais, non. Bon, et on a aussi. Alors, bon, ça y est, c'est l'heure de la bière, là, ça y est, vous êtes partis ailleurs. Bon, l'orientation qui est bonne, effectivement. Alors, on a aussi la partie en bardeau de bois, ici. On a les volets persiennés. Voilà. Ah oui, on n'a pas parlé tout à l'heure du système de jalousie. De petites lames de verre qu'on peut ouvrir et fermer manuellement, ça s'appelle des jalousies et ça permet de moduler soi-même la quantité, le volume d'air qu'on veut à l'intérieur. Et puis voilà, quand on veut être tranquille, on ferme aussi. Voilà, rien d'autre. Je passe à la suivante. Voilà, et là, c'est plus l'interro, c'est juste des petites images pour vous évoquer. Des beaux exemples. Alors ici un exemple de la maison auto-construite à trois couples, je crois. Voilà, donc qui ont été assistés par un architecte quand même, mais qui ont participé grandement à l'élaboration des plans. Voilà. Avec la toiture en hélicoptère. Voilà, des belles ventelles en bois également. Alors ici, c'est la maison de Madame Gardel qui a la chaumière et qui a été construite en partie, enfin en grande partie, avec des briques faites avec de la terre cuite. C'est en fait M. Gardel qui est à l'origine de la structure brique de terre de Guyane, en fait. Et donc, il a expérimenté ce matériau chez lui, dans cette maison. Avec la terre de son propre terrain. Voilà, avec la terre de son propre terrain. Donc ça, c'est un bel exemple, et maintenant, c'est devenu un gîte qu'on peut toujours louer et qui est très agréable. Ouais, 4 étoiles, quand même. Hein. 4 étoiles, il faut en mettre un petit billet, mais bon, voilà. Et d'ailleurs, l'année dernière, pour la Semaine européenne du développement durable, on avait organisé une visite dans cette maison-là. Ouvrez l'œil l'année prochaine, si vous voulez voir des beaux bâtiments comme ça, on ouvre les portes. Des beaux exemples architecturaux comme ça. Donc voilà, ici c'est la maison et l'agence d'un architecte sur la route des plages. Voilà. Alors même quand il pleut, c'est quand même chaleureux, je trouve. Et voilà, même avec plein de matériaux différents, avec des couleurs, avec de la végétation, on fait d'un espace qui peut être considéré comme très simple, un espace qui est hyper agréable et qui donne envie. En tout cas, c'est mon ressenti. Bah surtout quand on a la mer juste derrière, c'est pas mal. Voilà un autre exemple avec l'utilisation beaucoup de bois et de terre crue au rez-de-chaussée ici, avec des arrondis sur la toiture, c'est assez rare, on n'en voit pas beaucoup en Guyane, et d'ailleurs ailleurs non plus. Voilà. On voit aussi des claustras ici, qui sont des petites ouvertures qui laissent passer l'air. Et ici, un exemple de maison qui est en centre-ville de Cayenne et qui a été réfléchie aussi de manière bioclimatique, c'est-à-dire que la façade qui est ici sur la rue, elle est entièrement en ventelle. C'est-à-dire qu'entre chaque lame de bois ici, il y a l'air qui passe. Alors le son passe aussi, donc c'est une habitude à prendre, hein. Mais l'intérieur, il fait toujours frais. À n'importe quelle heure de la journée, il fait toujours frais. D'autant plus qu'il y a, on le devine ici, tout ce volume-là, c'est le salon qui est en double hauteur et qui offre c'est un espace qui est très généreux et qui laisse comme ça la place à l'air de circuler sans problème. Et voilà, en plein centre de Cayenne, comme ça, on peut très bien avoir des espaces qui sont agréables. Et, on se précisait que c'est pas une rue très passante. C'est pas une rue très passante, effectivement, mais le défi là, ça a été de faire de construire une maison qui était entre deux parois. Très rapprochées l'une de l'autre. Donc c'est aussi pour ça que le choix a été fait de laisser un grand volume au niveau du salon pour donner de la hauteur et pour dire qu'on avait peu d'espace en largeur. Et voilà. Maintenant, si vous avez d'autres questions, on est là pour y répondre avec plaisir. Questions ? Vous avez des questions ? Pas de questions ? Non ? Oui. Bonsoir. merci pour la conférence, c'était sympa. Alors moi j'ai une juste question, vous avez beaucoup parlé de la construction, donc nouvelle chose, mais en fait si on se rend compte de toutes les économies éventuellement qu'il y a à faire tout le monde, c'est peut-être la rénovation, il faudrait porter plus de d'énergie quoi. Donc après les solutions pour la rénovation c'est quoi? Parce que tout casser, ça n'a pas de sens, mais en même temps mettre une autre couche, j'imagine, c'est pas forcément ça non plus, donc est-ce qu'il y a des solutions? Il y a évidemment des solutions, sinon on ne serait pas là. Déjà, il faut regarder au cas par cas, donc c'est pas toujours, il n'y a pas une réponse toute faite. Mais déjà, si on arrive à mettre en place de l'isolation, c'est déjà un bon point. C'est créer des ouvertures s'il n'y a pas assez de ventilation et qu'il y a une ventilation. Ça peut être repeindre la toiture, ça peut être ajouter un bardage en bois sur une paroi en béton qui est exposée à l'ouest ou à l'est. Vous avez un exemple précis, parce que c'est vrai que c'est un petit peu difficile. C'est à titre personnel. Eh bien, figurez-vous que j'ai l'immense plaisir de faire un petit guide justement qui récapitule tous les lots de travaux qui sont aussi financés, qui sont aidés financièrement au niveau de MaPrimeRénov, d'Agir Plus et des autres dispositifs d'aide. Et donc, il y a entre autres ce que je viens de vous évoquer, il y a la toiture surventilée. Il y a vraiment un lot de travaux qu'on n'a pas forcément en tête, mais qui peut apporter justement du confort. Voilà, donc en tout cas, n'hésitez pas à nous contacter parce qu'on est là pour ça, on regarde cas par cas, ce sont des conseils qui sont gratuits, et puis même pour vous guider dans la recherche d'aide financière, on est disponible. Donc voilà, n'hésitez pas. Il y en a d'autres là. Pour rebondir là-dessus, à quoi est représentant de la. De l'entité FER, mais l'espace conseil FER. Espace conseil FER, ce qui veut dire faciliter et accompagner dans la rénovation. Achat de la rénovation énergétique, le IGF. Et ça va bientôt s'appeler France Rénov. Ça change tout le temps de nom, mais voilà, c'est le. Avant, ça s'appelait Espace Info Énergie. Mais voilà, l'idée, c'est de vous guider dans cette recherche. Il y a aussi des architectes comme monsieur qui guident, qui vous assistent dans vos travaux de rénovation énergétique. Y a-t-il d'autres questions? D'autres questions? Ah. Vous avez parlé un tout petit peu des panneaux solaires qu'on peut mettre sur les toits aujourd'hui, et c'est quoi la durée de vie d'un panneau solaire et les possibilités de recyclage? Ok, alors un panneau solaire, il est garanti environ 25 ans jusqu'à 80% de sa production initiale. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Guyane, il n'y a pas d'aide particulièrement pour la pose de panneaux solaires. Et il n'y a pas non plus de tarif de rachat préférentiel. Et c'est un petit peu la galère, d'après les quelques particuliers qu'on a eus, pour que du coup, il y ait EDF qui vienne poser le double compteur. C'est-à-dire à savoir, moi, est-ce que je produis, c'est renvoyé sur le réseau, combien vous allez me rembourser? Donc les panneaux solaires en Guyane, c'est une bonne idée, vraiment, si on a une bonne consommation, enfin, une forte consommation d'électricité qui peut être couverte pendant la journée. Et c'est pareil, après, pour l'autoconsommation, ça peut être intéressant si on est éloigné du réseau, parce que sinon, il va falloir poser des batteries, un onduleur. Et les batteries, ça a une durée de vie environ de 15 ans. C'est un bilan carbone qui est catastrophique. Donc vraiment, le mieux, c'est d'avoir le panneau solaire en autoconsommation chez soi, et on aura une rentabilité qui sera... qui sera un peu moins de 15 ans si on a une forte consommation d'énergie pendant la journée. Donc autrement dit, c'est 2-3 clims par exemple, 2-3 frigos et une pompe par exemple pour la piscine qui tourne pendant la journée. Là, je vous recommande un panneau solaire. Sinon, pas vraiment. J'aimerais savoir comment ça se passe aussi, parce que vous avez parlé un peu sur comment est-ce qu'on pourrait récupérer l'énergie électrique. Des eaux, il n'y aurait pas des choses à exploiter aussi au niveau des eaux pluviales? Est-ce qu'on a le droit d'en récupérer? Est-ce qu'on a le droit de les réutiliser? Est-ce que c'est réglementé? Ouais, alors ça c'est une super question aussi. Les eaux pluviales, franchement, c'est ce qu'il y a de plus bête et de plus simple à récupérer en Guyane. Juste des gouttières, une citerne et hop, c'est parti. Après, par contre, pour leur utilisation, c'est là que ça devient plus compliqué. Alors, c'est facile à récolter, ça n'y a pas de problème. Par contre, pour l'utiliser, c'est plus compliqué. Alors, par exemple, pour les toilettes, souvent on me dit « Ah bah, ce serait bien d'utiliser pour les toilettes, c'est un peu con d'avoir de l'eau potable quand on tire la chasse d'eau. » Ouais, c'est vrai, sauf que du coup, bah, il faut un nouveau système de tuyauterie qui partira de votre système de récupération des pluies vers les toilettes. Et ça, votre plombier, il voudra bien vous le faire, mais ça va vous coûter un peu d'argent. Et après, pour la consommation en elle-même, on a des filtres en céramique qui sont disponibles, qui coûtent environ 300 à 400 euros et qui permettent de filtrer l'eau. Mais il y a toujours la question des bactéries qui est à régler. Et du coup, ce sera vraiment pour votre propre consommation à vous et en fonction de... Enfin, ce sera à vous de faire attention, quoi. Sinon, après, ça va être essentiellement pour arroser le jardin en saison sèche. Et après, il n'y a pas non plus beaucoup d'autres utilisations qui sont possibles. Donc, dans la maison qu'on avait vue tout à l'heure à 60 000 euros, ils récupéraient l'eau de pluie pour leur propre consommation, tout simplement parce qu'eux, ils ne sont pas ni reliés au réseau d'eau, ni reliés au réseau d'électricité. C'était un peu implicite, mais voilà. Donc là, je vous dis, un filtre en céramique, on peut la consommer, et sinon, ça va vraiment être la création d'un réseau interne. Ou si vous avez déjà votre plomberie dans votre maison, ça va juste faire de la plomberie en plus, ça va coûter très cher. Vous avez tout à l'heure évoqué la question de la cohabitation avec les insectes qui allaient de soi, mais du coup, par rapport à la faune un peu plus grande, comme par exemple des passages de chauves-souris sur des bois de pions, comment ça se passe On a des anecdotes qui sont assez marrantes comme ça, par exemple, je sais plus si c'est... Enfin, il y a un architecte qui a construit l'IME et Picasso, par exemple, qui racontait qu'il avait fait l'erreur de faire descendre les ventelles en bois jusqu'en bas. Et du coup, il se retrouvait régulièrement avec des boas dans les toilettes, alors que c'est un IME, donc un institut médico-éducatif pour les enfants. C'était pas terrible. Vraiment. Et après, ouais, en général, par exemple, les surclôtures qu'on a vues aussi, pareil, on a assez souvent des chauves-souris qui sont en dessous et qui font des petits caca. Et pareil, c'est pas terrible non plus. Donc ça, la bonne solution, en général, c'est tout simplement les grilles anti-nuisibles qui vont être assez efficaces. Et pour les pions, ce qu'il faut savoir, c'est que le pion, en fait, il va utiliser comme véhicule pour entrer sur votre toiture la végétation qu'il y a autour. Donc si vous contrôlez bien et si vous taillez bien la végétation qui est autour, en général, le pion aura difficilement le pont qui permettra de rentrer dans vos complots. Et après, pour le reste, une maison ouverte, ça va plutôt être une maison ouverte aux petites bêtes. Bon, pour les serpents et les pions, ça reste quand même des situations qui sont assez anecdotiques. Moi, j'aurais une dernière question pour vous conclure la soirée. Oui, c'est une question un peu naïve, mais il y a des constructions, vous avez montré le forum de Baduel tout à l'heure sur l'eau de Baduel. Il y en a une autre bâtiment sur la route de Montabo. Oui, le bâtiment océanique. Ah, le bâtiment océanique, voilà, il y a la boulangerie au rez-de-chaussée. Et je crois qu'il y a un autre qui est en train d'être finalisé du côté de Rémire à côté de la station essence. Deux autres, oui. Sur la station essence, la nouvelle boulangerie et le bâtiment qui est en face. Les deux ont quasiment la même conception. On dirait que c'est des copier-coller. D'accord. Alors par rapport à la construction de ce genre de bâtiment, est-ce que vous il y a un droit de regard, il y a des autorisations ou c'est juste le propriétaire qui dit je fais ce que je veux, c'est mon terrain, c'est moi qui construis Alors comme l'a dit Florence tout à l'heure, en effet, il n'y a pas de réglementation thermique pour les bâtiments tertiaires, ce qui est vraiment assez regrettable. Donc finalement, ce qu'on peut voir avec ces bâtiments... Ce qui va changer, parce que le décret tertiaire est applicable en Guyane. Eh bien, bonne nouvelle. On va traquer. Bonne nouvelle. Ouais, j'ai pas eu d'infos. Le décret tertiaire. Ah, c'est récent aujourd'hui. Ok, ça me rassure. Ouais, je comprends. Eh bien, merci pour cette bonne nouvelle. Donc, mais en fait, le problème, c'est que ces bâtiments sont conçus par des promoteurs qui utilisent les architectes en métropole et que les architectes ici, ils ne suivent pas du tout le truc. S'il y a un architecte ici, et comme un architecte de métropole a le droit de signer un permis construit ici, et qu'à la mairie de Rémire, ils s'en foutent de l'environnement, un problème politique. Oui, alors ça je suis entièrement d'accord, c'est vraiment un problème politique dans la mesure où il faut qu'il y ait des règles et qu'il y ait un cadre qui soit fixé par l'État, sinon on sait très bien que ça part en cacahuète. Et pourtant, Rémire faisait la promotion de l'éco-quartier à côté du lycée Damas. Ah bah oui, mais ça, quand il s'agit de faire de la promotion, ça, il n'y a pas de problème, hein. Les gens, ils sont là, quoi. Ah oui, c'est pour donner une idée au niveau des consommations. Par exemple, le bâtiment de l'ODEC qui a été réhabilité récemment, à une consommation environ de 80 kW au mètre carré. C'est pas énorme. Et du coup, des bâtiments comme celui, par exemple, comme celui de l'URSSAF, les consommations vont sont multipliées par 10 en moyenne. Donc on a vraiment des grosses, grosses différences de consommation. Donc, les applaudissements pour Florence et Thibault de l'association Aqua. Merci d'être venu à cette nouvelle édition du Café des Sciences. Je tiens aussi à remercier Steve et Dimitri pour nous avoir autorisé, nous avoir permis de réaliser cet événement.